Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, Vanoise, un parc national pour qui ? Une série de Myriam Prévost réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des souvenirs de randonnée à guetter le bouquetin ou la marmotte avec les pieds gelés, et il y a aussi l'envie de comprendre ce que fait un parc national à ceux et celles qui en partagent le territoire. Et savoir, pour commencer justement, comment tout a commencé. Alors, les personnages. Un guide de haute montagne, essoufflé, des parents randonneurs, un ancien président du conseil d'administration du parc pris au piège, une sociologue qui raconte, un moniteur de ski qui ne voulait pas être fermier, et un sociologue précautionneux. Ensuite, le décor. Des remontées mécaniques, un écureuil, la montagne, un parc national, un hélicoptère, une charte, le plan neige, la tarentaise, la maurienne, des chalets, un sentiment de spoliation, un parc culturel, une via ferrata et des chardons bleus. Aujourd'hui, premier épisode, on met sa ceinture. Radio. Donc là on va prendre la route des barrages et puis on va faire une sortie au-dessus des barrages d'Aussois. C'est au-dessus de 2000 mètres d'altitude en fait. Les barrages sont à peu près à 2000. Ça se passe en Vanoise. La limite du parc elle est un petit peu plus haute là, à cet endroit-là. Elle est au niveau des barrages. C'est l'histoire d'un parc national et de son territoire. C'est un peu compliqué le parc, hein. Des fois elle est assez haut en altitude, des fois elle redescend très bas. Hein. À la création du parc, la station d'Aussois avait un peu négocié de garder une zone qui monte assez haut pour pouvoir faire les remontées mécaniques, enfin une station de ski. L'histoire des gens dedans et des gens autour. L'histoire de son petit monde situé dans le grand monde. Enfin, on est quand même à un endroit où on est très limité au niveau du ski. Ça fait vraiment une enclave qui monte assez haut en altitude, la station de ski. Soit c'est trop raide, soit il y a le parc national de la Vanoise, donc on est un petit peu coincé. Ce qui est plutôt, à mon avis, plutôt pas mal. On n'a pas tous le même avis là-dessus. Hein, mais... D'abord, il y a eu ce boulot, dans un petit village de la Haute-Maurienne, Solières-Sardière. Je faisais la cuisine dans un centre qui accueillait des enfants en vacances ou en classe de neige. C'était l'hiver. L'hiver dans les Alpes, et j'aimais imaginer le parc national tout proche, au-dessus de nous. Je n'avais pas pu y aller pourtant, pas cette fois-ci, pas en hiver. Il faut être sacrément équipé et savoir ce qu'on fait. Et puis je travaillais bien trop pour avoir le temps et l'énergie. Mais j'aimais être là parce que ça m'était familier. Ah, oh, un écureuil. Pardon. C'est moi qui vous ai... Non, j'ai eu peur de l'écraser. Parce qu'encore avant, il y a eu les parents, avec leurs jumelles, leurs longues vues, leurs cordes d'alpinisme et leurs crampons. Leur tenue de camouflage et de bivouac, et leur voix chuchotée, parce qu'il est tout près, l'animal. Et que si on veut le voir, faut se fondre dans le paysage. L'observer sans déranger, sans intervenir, quitte à se laisser engourdir par le froid et avec des fourmis dans les mollets. Alors j'ai appris à la connaître, la montagne. J'ai mis un pied puis l'autre, un ski puis l'autre. J'y ai passé des dizaines de nuits, je me suis perdue aussi. J'y ai eu froid, et j'y ai pris mes plus gros coups de soleil. J'y ai vu des bouquetins, des tétralyres et des marmottes. Et je savais que les parcs nationaux veillent sur ces animaux, veillent sur les montagnes, les gardent, font attention à elles, les protègent des agressions de notre société moderne. Enfin voilà, pour moi c'était ça un parc national, la bienveillance sur Dame Nature, la Dame Nature respectée dans sa sauvage spontanéité. Il y a un hélicoptère. C'est le refuge là dans Paraché qui finit ses travaux là. Mais un jour, il y a eu comme un petit nuage qui a débarqué dans cette jolie image. Un petit doute, un point d'interrogation qui est venu semer le trouble. C'était cette fois-ci à Solières-Sardière en 2013, alors que je lisais un journal local, le Dauphiné probablement. J'apprends alors que le parc est désavoué par les habitants du coin. Il se dit qu'ils n'en veulent pas de ce parc. Il se dit qu'ils étaient plus tranquilles avant sa création en 1963, avant ses frontières. Je tombe des nues. Enfin pourquoi ? pourquoi on en voudrait à un parc national. On me répond développement économique, remontée mécanique, restaurants et hôtels. On me répond réchauffement climatique, glaciers qui fondent, limite pluie-neige. On me répond le loup et les troupeaux. On me répond Tignes le parc, Val d'Isère et le parc, Courchevel et le parc. Tout ça, ça va pas bien ensemble. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, il se prépare un truc au parc. Un nouveau truc qui s'appelle la charte. Cette histoire de charte, elle est très marrante. Ça partait d'un extrêmement bon sentiment. Vanoise. Quand un territoire devient un parc. C'était de dire au territoire, ça fait longtemps que vous nous dites qu'on ne s'occupe pas de vous, ou en tout cas qu'on ne vous accompagne pas, et surtout qu'on vous brime avec toute une série de législations et de règlements. Et bien maintenant, les parcs nationaux vont enfin vous tendre la main, je caricature, mais c'est un peu ça, vont enfin vous tendre la main pour vous accompagner davantage. Donc c'était une porte ouverte. Sauf que, en disant cela, on a soulevé un couvercle, le couvercle d'une marmite, d'une cocotte, qui bouillait depuis des années. Moi, si vous voulez, j'avais conscience pour le parc de la Vanoise que depuis 50 ans, Guy Chaumreuil, il y avait du ressentiment. Président du conseil d'administration du parc au moment de la charte. Ce que j'avais sous-estimé en arrivant comme président, c'est que ce ressentiment était très fort et très vivace, et très actuel 50 ans après. D'abord, il faut comprendre que, en 1963, s'est mis en place tout de suite ce que j'appelle un piège. C'est-à-dire que le général de Gaulle a lancé pratiquement la même année, 63-64, un parc, le premier parc national de France, donc préservation de la nature, vous vous rendez compte, en 63, c'était quand même assez pionnier. Mais en même temps, on lance le plan neige. Le plan neige qui a construit une bonne part de l'infrastructure touristique d'hiver de la France. Vous savez que la France est un des seuls pays, voire le seul, où le tourisme d'hiver a été construit avec une décision d'État. Donc on a créé, en même temps, dans le même espace, deux entités, à un millimètre de distance, qui avaient quand même du mal à cohabiter. Pour moi, c'est un piège. En fait, la Vanoise, c'est par deux vallées. La Tarentaise au nord, la Maurienne au sud. La Tarentaise est un peu plus connue, il y a toutes les grandes stations de ski, Courchevel, Val Thorens, Val d'Isère, enfin, toutes ces grandes stations-là. Et nous, la Maurienne au sud, avec des stations plus familiales, bah, comme Aussoy. Et donc Aussoy se situe vraiment sur le versant sud de la Vanoise. Simon Tépaz. Là, d'aller faire la dent parachée ces jours-ci. Dent parachée, c'est le sommet qu'on a derrière. Guide de haute montagne à Aussoy. Voilà, il est bien blanc, il est beau, hein. Voilà, bah, c'est le plus blanc. On voit deux dents noires, c'est les dents de la Fournache. Et l'autre est un petit peu derrière, donc la dent parachée, on n'a pas l'impression qu'il est plus haut, mais il est un petit peu plus haut que les dents noires. Et ça, bah, ça pourrait se faire en ce moment. Hein. Les deux bâtiments, il y en a un peu blanc et un peu gris, là. Ouais, c'est des chalets d'alpage. Voilà, des chalets vraiment d'alpage utilisés par les agriculteurs, il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Quoi. Puis aussi du fait qu'il y a des routes maintenant. Avant, les gens vivaient au village et montaient l'été en alpage avec les bêtes et ils restaient. Alors que maintenant, bah, ils font des allers-retours entre le village et la montagne grâce au 4x4. Quoi, hein. Il faut savoir qu'en 63, on a dit aux paysans de montagne, de Tarentaise et de Maurienne, voilà, ça c'est le parc, ça c'est le cœur du parc. Vous pouvez continuer, bien sûr, à y faire de l'alpage, etc. Mais maintenant, c'est un parc national. Mais on n'a rien acheté. On n'a rien acheté. Donc il y a eu, je trouve, assez logiquement, un sentiment de spoliation. Vous vous rendez compte, du jour au lendemain, un alpagiste, il a dû demander l'autorisation d'amener ses vaches, éventuellement de monter avec un tracteur, etc., dans ce qui lui appartenait et ce qui continuait à lui appartenir. Alors ce que j'avais pas du tout compris, je m'étais dit, ça c'est pour les vieux. Pardonnez-moi l'expression, j'ai 68 ans, donc c'est pas péjoratif, mais j'ai dit c'est pour les vieux montagnards qui se trimballent toujours leur histoire de 63, on nous a piqué nos terres, etc. En fait, ce sentiment de spoliation, d'agressivité, de mécontentement, c'est perpétré de génération en génération. Et aujourd'hui, vous avez des alpagistes, des agriculteurs, qui ont 30 ans, 35 ans, et qui ont cette amertume vis-à-vis du parc. Voilà, on va arriver au-dessus du barrage. Donc c'est vrai que quand moi je me suis pointé avec cette charte, encore une fois, où il n'y avait rien, si ce n'est un geste en direction des communes. Tout est ressorti. Et j'ai passé des heures et des heures dans des conseils municipaux à essayer de convaincre, et je n'y suis pas arrivé, parce que la discussion n'était pas possible. En France, il faut toujours faire une loi. Pour les parcs, il fallait ça. Il fallait aussi pour que les administrations des parcs bougent et ne se considèrent pas uniquement comme les gardiens du temple. Nous sommes les gardiens du temple, donc nous, la préservation de la nature, c'est ça et rien que ça. Mais ça a posé un certain nombre de problèmes, encore une fois, parce que ça a soulevé le couvercle de la marmite qui bouillait, quoi. Et alors en Vanoise, vous savez, quand vous soulevez une cocotte minute, vous prenez des risques, hein. Ça gicle de tous les côtés, c'est très chaud. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au parc de Vanoise, quoi. Vraiment dans des zones, ils sont peut-être restés encore un peu plus haut, mais l'hiver en tout cas on voit beaucoup de chamois là ici. L'hiver la neige tombe toujours avec du vent à cette altitude là, donc là ces croupes sont soufflées par le vent, ils trouvent un peu de quoi se nourrir, ils passent l'hiver ici. Ils sont entre 2200 et 3000 mètres d'altitude même l'hiver, hein, et ils y restent, contrairement au bouquetin qui lui va redescendre. Il faut bien se remettre dans l'idée qu'on n'avait pas de parcs nationaux en France avant. Hein. La France avait créé des parcs nationaux dans ses anciennes colonies, contrairement à tous les autres pays européens qui, eux, avaient créé des parcs nationaux. Donc ça n'existait pas en France. Déjà, à la base, c'est un animal moins sauvage, mais il est protégé même en dehors du parc, le bouquetin, alors que le chamois est chassé en dehors du parc. Il y a eu trois projets d'importance inégale à l'origine du parc national de la Vanoise. Un premier projet a été porté par le docteur Couturier, un personnage complexe qui avait beaucoup d'activités en montagne. Il était chirurgien à Grenoble et par ailleurs c'était un naturaliste spécialisé dans le gibier de haute montagne. Il a travaillé sur plusieurs espèces, dont le bouquetin. Isabelle Arpin, sociologue de l'environnement. Et en même temps que c'était un grand naturaliste, c'était aussi un grand chasseur, et les deux activités chez lui étaient étroitement combinées. Bon, il a porté un projet de parc national qui était vraiment centré sur la sauvegarde du bouquetin. Il faut savoir que il n'y avait quasiment plus de bouquetin en France. Il restait uniquement quelques individus isolés en Haute-Maurienne. Tous les autres animaux avaient été tués par les habitants, par les locaux, pour se nourrir. Et donc, il avait délimité un territoire qui correspond à ce qui est devenu par la suite la zone centrale du parc national de la Vanoise. Il y avait un autre projet qui était porté davantage par les milieux naturalistes et scientifiques et qui consistait davantage à créer ce qui aurait été une réserve naturelle, qui aurait été réservée à l'activité scientifique où il n'y aurait pas eu d'autres activités. Et puis un troisième projet qui a donc été porté, lui, par Gilbert André, dans les années 50, alors qu'il était encore tout jeune, il a parcouru les Alpes du Sud, Alpes du Nord à pied, et il était complètement fasciné par la façon dont les montagnards vivaient, et il trouvait catastrophique l'exode rural. Bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, les vallées alpines se vidaient littéralement de leurs habitants, il a traversé des villages qui pour certains étaient déjà complètement désertés, et il a eu, oui, progressivement, il a mûri cette idée qu'un parc national pouvait être un outil adapté pour permettre aux gens de rester sur place et d'avoir un mode de développement qui leur permette de ne pas partir. Son idée, c'était que ce qui permettrait aux gens de rester au pays et de concilier certains aspects du mode de vie traditionnel avec un confort moderne, c'était le tourisme. Un tourisme qui serait resté modéré dans sa dimension, qui n'aurait pas du tout pris les dimensions qu'il a prises en Maurienne et plus encore en Tarentaise, mais qui aurait apporté aux habitants une aisance économique et financière qu'ils n'avaient pas du tout à cette époque-là et qui les incitait à partir, quoi. Gilbert André était passionné par la nature, par la montagne, c'est sûr, mais passionné par les gens qui habitaient la montagne, par les montagnards. Et c'est pas pour rien qu'il a fait toute sa vie à Bonneval-sur-Arc, tout au fond de la vallée. Et son parc était un parc qui était fait pour défendre la nature, pour que cette nature continue à défendre les hommes qui y vivent. C'était un parc culturel. Il fallait que les villages restent dans le parc. Et je pense que cette volonté d'associer les hommes d'ici et la montagne de protéger les deux, de protéger cette culture montagnarde qui était la nôtre. C'est ce qui a déclenché la volonté des élus de créer un parc. Voilà, voilà. Bah là, si on continuait encore une demi-heure, on serait au refuge du fond d'Aussois, col d'Aussois, et on descend sur Pralognan-la-Vanoise. Un peu plus en altitude l'hiver, le peu d'eau qu'il y a est gelé. On n'entend rien. Et on arrive à avoir un silence, j'ai l'impression, totale en tout cas. Ouais. C'est vrai que l'été, là on entend les ruisseaux, quoi. Ceci dit, on irait en face, là, à 3000 mètres d'altitude, au pied de la dent parachée dans la neige. S'il n'y a pas d'avion, s'il n'y a pas de vent, c'est le grand calme. Hein. En même temps que ces projets n'avaient été quand même très différents, hein, portés par des personnalités, elles aussi très différentes, il y avait en tout cas un accord sur le terme, tous réclamaient un parc national. Et cette pluralité des origines du parc, elle a profondément influencé la loi de 1960, donc la loi qui en France a créé les parcs nationaux, puisque la solution qui a été adoptée pour en quelque sorte concilier ces projets, ça a été de créer un parc national avec des zones différentes à l'intérieur. Dans la loi de 1960, le législateur a prévu un dispositif qui est concentrique, avec une zone qu'on appelle la zone centrale. Cette zone centrale, elle relève de ce qu'on appelle la protection réglementaire, c'est-à-dire que s'applique à l'intérieur de la zone centrale toute une série d'interdictions, par exemple l'interdiction de cueillette, de ramassage de cailloux, de fleurs, etc., l'interdiction de faire du bruit, l'interdiction de faire du feu, l'interdiction d'y pénétrer avec une arme à feu, etc. Donc là, on est dans une protection réglementaire qui est relativement stricte. Et puis en dehors de cette enveloppe, qu'on a appelée dans la loi de 60 la zone périphérique, ben en gros c'est l'idée que la zone périphérique, elle va venir compenser un certain nombre de restrictions qui sont liées à la zone centrale. On est dans un contexte, les 30 Glorieuses, où l'État a des moyens financiers importants, et donc on va promettre aux communes des aides qui vont leur permettre notamment de développer leur économie, des soutiens à l'agriculture, de l'aide à l'activité touristique, etc. Le modèle des parcs nationaux a été conçu dans un contexte où il n'y avait pas d'habitants. En 1872, lorsque les États-Unis instaurent le parc national de Yellowstone, qui est le premier parc national créé au monde, eh bien, ils font place nette, hein, c'est-à-dire ils vont éradiquer et déplacer l'ensemble des populations amérindiennes qui sont présentes sur place. Parce que la conception de l'environnement qui est celle de l'époque, c'est une conception de l'environnement qui est sans l'homme. Lionel Laslaz. Pour aboutir à un objectif de protection. Enseignant-chercheur en géographie. Il faut que la présence humaine soit éradiquée de telle manière à ce que les objectifs de protection puissent être menés à bien. Et cette logique, elle a prévalu dans les politiques de protection dans le monde, au moins jusque dans les années 70. Alors, dans le contexte français, on est évidemment, comme pour la plupart des pays européens, dans une configuration qui est extrêmement différente. D'abord parce que on est en présence d'espaces qui sont peuplés, pas forcément avec de très fortes densités, mais en tout cas, les deux vallées alpines concernées par le parc de la Vanoise, c'est la vallée de la Tarentaise au nord et la vallée de la Maurienne au sud, et c'est environ 60 000 habitants. Ça veut dire donc que l'objectif de protection doit en quelque sorte être combiné avec la présence de populations qui sont là depuis des siècles et qui entretiennent déjà un rapport particulier avec cette montagne. On exclut de la zone centrale les hameaux qui sont occupés à l'année. Mais en revanche, il y a des hameaux, des chalets d'alpage qui sont occupés saisonnièrement. Et donc des alpages qui sont exploités pour l'activité pastorale, des espaces dans lesquels il y a de la cueillette, du génépi, des champignons, etc. Bref, toute une série d'usages que la réglementation qui s'applique à l'intérieur d'une zone centrale de parc national va venir en quelque sorte contrecarrer. Ça, c'est un des nœuds des difficultés structurelles que vont connaître les parcs nationaux, c'est-à-dire comment rendre compatibles ces objectifs de protection à visée nationale, puisque la loi de 1960, elle affiche clairement l'idée selon laquelle les parcs nationaux sont consacrés en quelque sorte pour l'intérêt de la nation. Mais en même temps, il y a des enjeux, des usages, et on peut pas faire comme si le massif ne comporte pas d'habitants. Et une des autres spécificités de ce massif de la Vanoise, au moment où le parc voit le jour, c'est que de concert se met en place une politique massive, pilotée par l'État, de construction de stations de sport d'hiver à haute altitude. Donc il faut bien avoir en tête que ces deux mouvements sont parallèles. Ils sont supposés être contradictoires, mais aux yeux de l'État, c'est une recherche d'équilibre. C'est une monstre connerie d'être anti-parc. Pourquoi ? Parce que nous, le premier atout touristique, c'est le parc national de la Vanoise à Aussois. Le village d'Aussois, il est quand même plein l'été. C'est rare en montagne d'avoir un village qui fonctionne et l'été et l'hiver et qui est quasiment à 100% de remplissage sur un mois et demi l'été. Et ce parc national, même si c'est vrai que alors il va peut-être nous empêcher de faire un télésiège où on veut et embêter le chasseur qui ne peut plus tirer son chamois, mais enfin, en vivant du tourisme et en habitant à Aussois, il est plus qu'utile, il est primordial. Et puis on voit bien où il n'y a pas de parc, il y a moins de vie. Hein. Le parc a mauvaise presse parce que voilà, on va avoir des interdictions, par exemple, je sais pas moi, de circuler à un endroit ou de reconstruire un chalet à un autre endroit. Il y a des contraintes. Et des fois en plus sur des choses pas très logiques. Le parc c'est pas parfait. Hein. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas au parc. Hein. Déjà, c'est très administratif, donc en tant qu'habitant, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent pour l'avenir, etc. Quand on lit un document du parc, souvent on ne le comprend pas. Ça a dû être écrit par quelqu'un qui a Bac plus 12, je ne sais pas. Ils ne sont pas assez accessibles pour les gens qui vivent en limite du parc, comme nous. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression d'être... trop embêté par le fait qu'il y ait le parc national de la Vanoise autour de mon village. Quoi. Après, il y a une grosse différence aussi. Quelque chose qui fonctionnait bien, c'est qu'avant, on avait des gardes du parc qui étaient des villages. Donc, il y avait une bonne communication. Sur le terrain, ils venaient voir. Bon, il y avait un problème pour les chasseurs, ils allaient voir les chasseurs. Un problème pour les agriculteurs venaient les voir, etc. Enfin, il y avait une discussion possible. Et maintenant, les gardes du parc, on les voit beaucoup moins. Et on les connaît pas. Ils changent souvent. Bah, du coup, voilà, le dialogue est moins simple, quoi, hein. Et puis, bah, avant, il y avait un système qui faisait que, voilà, le cueilleur de Genépi, s'il a ramassé ses trois brins de Genépi qui se faisait prendre par son cousin garde du parc, il disait, bon, bah, il ramasse ses trois brins, je dirais rien, quoi. Ou, il faisait semblant de pas le voir. Alors que maintenant, bah, on est des fois embêté pour des détails, alors qu'il y a d'autres choses qui sont laissées faire. Et ça peut mettre un peu en colère certaines personnes, quoi. Moi le premier d'ailleurs. Ils avaient une culture montagne et une culture du village où ils étaient nés. Et ce qui n'est plus le cas maintenant. Effectivement, quand on débarque dans un village, bah, notre hiérarchie nous dit de verbaliser le cueilleur de fleurs, le gars qui promène son chien en laisse, etc. etc. Mais bon, derrière ça, le gars qui promène son chien, bah, c'est peut-être un agriculteur, c'est un chien de travail. Le gars qui ramasse trois fleurs, il fait pas abîmer la montagne pour autant. Enfin voilà, il va peut-être pas comprendre tout ça, quoi. Il y a eu quand même beaucoup d'erreurs. Alors ça, évidemment, chaque fois que je dis ça, ça crispe un peu le parc dont j'ai été le président. Mais le garde-moniteur... Il verbalise. Mais il faut savoir que un garde-moniteur, il dépend de la direction du parc. C'est un peu technique, mais c'est important. Sauf que pour les pouvoirs de police, il ne dépend pas du directeur du parc. Il dépend du procureur de la République. Donc, le garde-moniteur verbalise, il envoie ça au procureur, et c'est le procureur qui appelle le maire et qui lui dit, ben écoute, je suis désolé, mais... on a verbalisé tes copains cantonniers et vous avez une amende là-dessus. Vous vous rendez compte que le maire d'une petite commune, il reçoit le coup de fil de la part du procureur ou de la part de la gendarmerie. Il n'a pas été informé par le garde-moniteur qui aurait pu aller le voir dans sa mairie ils se connaissent, et lui taper sur l'épaule en disant, écoute, tes gars ont encore fait une connerie, donc cette fois-ci je passe, mais enfin la prochaine fois je pourrais pas passer. Ça se discute. Mais quand vous êtes maire et que vous recevez un appel de gendarmerie ou du procureur, je sais pas exactement, mais pardonnez-moi l'expression, mais vous avez les boules. Et du coup, le téléphone, il remarche entre les maires. Tu sais pas encore ce qu'il m'a fait? Tu sais pas encore ce qu'on m'a fait? Globalement, en 61, il y a une majorité de communes qui sont plutôt favorables au projet de parc national, notamment parce qu'un des porteurs majeurs du projet de parc national à Levanoise, c'est un élu. C'est Gilbert André qui est le maire de Bonneval-sur-Arc, qui est resté maire de Bonneval pendant près de 40 ans. Et Gilbert André, il porte ce projet. Et puis, au fil du temps, eh bien, un certain nombre de communes et de populations ont tenu le discours que, bah, par rapport à ce qui avait été promis initialement, notamment en termes de subventions, d'aide au développement local, le parc n'avait pas tenu ses promesses, et donc il y a une forme de déception. Mais là encore, c'est à mon avis une explication un petit peu rapide et un petit peu simpliste. Au moment de ce vote en 61, le poids de l'activité touristique hivernale n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Donc il y a des espérances qui sont placées dans le parc. On croit à l'idée que le parc va pouvoir porter une saison touristique estivale dans un contexte de très fort recul démographique. Et donc ce qui va permettre à ces communes de revenir à un dynamisme démographique, c'est le fait que l'agriculture qui s'étiole de manière continue va pouvoir à partir de 68 être soutenue par la filière Beaufort. Et puis, c'est le fait que l'essor des activités de sport d'hiver devenant ce qu'il est, c'est ça qui va permettre la création d'emplois, la création de richesses. Donc évidemment, avec 40 ans de recul et d'évolution, si on fait le poids respectif de l'apport de l'activité touristique estivale en partie liée au parc de Levanoise et puis de l'activité touristique hivernale, il n'y a pas photo pour Levanoise, c'est clair. Donc c'est la raison pour laquelle, entre ces deux pieds sur lesquels un certain nombre de communes souhaitaient s'appuyer dans les années 60, le choix du pied hivernal a clairement été fait. Mon nom c'est Guy Bonnevie, et je suis guide de haute montagne et moniteur de ski. Je suis à l'école de ski de Val d'Isère, et donc j'ai des clients qui vieillissent comme moi, mais qui continuent à skier, donc voilà, j'en fais toujours. Votre famille, donc, elle est à Val d'Isère depuis combien de temps? Sur ce qu'on a pu retrouver, 1552 au moins. Quoi. On a retrouvé ça dans les archives de l'église. Depuis cette époque-là, on est là. Et on n'a pas bougé. Enfin, on n'a pas bougé, c'est beaucoup dire, hein, parce que dans les années 1700, 1800, par là, la vie était très difficile ici, hein, très dure. Donc, c'est vrai que les hommes partaient travailler ailleurs, en général, hein. Mon grand-père, il est resté ici parce qu'il y avait, il commençait à y avoir du travail. Ils ont construit la route du col de l'Iseran, donc il a travaillé là, sur place. Il était chasseur de chamois, il était berger aussi, puisqu'il se nourrissait de ce qu'ils avaient à l'époque. Hein, donc il s'occupait des élevages et tout ça, donc en montagne, il était habitué d'aller en montagne. Il traversait les cols avec des bêtes, avec ses moutons ou ses vaches, ou... Ils connaissaient les dangers, hein, de la montagne, ça c'est. Ils nous l'ont transmis, ça c'est sûr. Et mon père, lui, est parti, il a travaillé à Paris. Et il travaillait chez Prunier à Paris, il était écailleur. Dès que les premiers clients commençaient à venir, c'était des Anglais, pour faire de la montagne. Et du ski aussi, hein, le ski a commencé dans les années 33, 34, 35. Donc il est revenu très vite pour le ski, mais autrement, les autres, tous ses copains, ils sont pas revenus. Hein. Et que mon père, quand je le voyais arriver avec sa médaille de moniteur de ski sur le pull, je me suis dit, ça c'est rien à faire, il faudra que je fasse ça, hein, parce qu'autrement, autrement, c'était la ferme, c'était les vaches, c'était les chèvres. J'aimais pas ça, moi, en plus. Donc j'ai jamais eu une autre idée que de faire ça. On ne se rend pas compte, la ferme ici. Et les anciens disaient 9 mois d'hiver, 3 mois d'enfer. Parce qu'ils n'avaient que 3 mois pour vraiment travailler, faire les foins et tout ça. Et autrement, il y avait la neige tout le temps. Hein. on est trop en altitude, donc des villages à 1500 mètres d'altitude, c'est complètement différent. À la ferme, on n'avait pas de cochons, nous, ici. Et on n'avait pas de cochons parce qu'on n'avait pas de pommes de terre. Les pommes de terre, elles ne poussaient pas ici. À part l'herbe, le foin, c'est tout ce qu'il y avait. C'est pour ça que quand on a connu ça et qu'on voit maintenant le parc de la Vanoise qui nous bloque un peu tout, on l'a un peu en travers. Ils n'ont pas connu ça, quoi. Parce que nous, le tourisme, ça a été vital pour nous, quoi. Avec beaucoup moins d'efforts. Voilà notre histoire. C'est facile de dire, on ne veut pas une remontée mécanique. Nous, si on n'avait pas eu ça, peut-être elle n'est pas belle dans la nature, mais enfin, elle nous amène le casse-croûte. Hein. Nous, on est contre le parc de la Vanoise à 100%, hein, parce que ça bloque le développement. Alors, quelquefois, ça peut être bien, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais d'un autre côté, nous, on est vraiment, on a je ne sais plus combien, 65% du domaine de Val d'Isère qui est dans le parc de la Vanoise, donc c'est énorme. Au début de la station de Val, on a créé très vite des réserves naturelles de chasse et tout ça sur Val d'Isère. Il n'y avait pas le parc, mais on l'a fait nous-mêmes. Et l'avantage, c'est que si on le fait nous-mêmes, on peut la déplacer. Si on voit qu'elle ne marche plus très bien à cet endroit-là, on peut la mettre à un autre endroit, on peut y créer des remontées mécaniques et les redéplacer dans quelques années. Et le parc, on ne peut rien faire, rien du tout, on ne doit rien toucher. Quand vous étiez guide de haute montagne, vous faisiez quoi comme sortie ? La clientèle avant, c'était les courses en montagne et voilà. C'était tout, hein. C'était se balader, soit en escalade, soit en glace, soit les courses faciles, plus difficiles. Maintenant, c'est différent, hein. Les gens qui viennent faire de la montagne, il faut que ça change tous les jours, hein. Un jour de l'escalade, un jour canyoning, ouais, des trucs ludiques comme ça, comme les Via Ferrata et tout ça. À Val d'Isère, la première Via Ferrata, c'est moi qui l'ai créée. J'étais à l'époque au conseil municipal ici et j'ai réussi à la créer. Ce que je pourrais plus faire maintenant avec le parc de la Vanoise. Parce que c'était avant la création du parc là. Non, c'était le parc était déjà là, mais je les connaissais bien. Et je savais que j'aurais pas l'autorisation de le faire là où je voulais la faire. Parce qu'il y avait une aire d'aigle à cet endroit-là. Donc j'en ai jamais parlé. Et j'ai attendu que le chef des gardes du parc de la Vanoise soit parti en vacances. Et hop, j'ai amené l'entreprise et quand il est revenu, c'était construit. Et là, elle est faite et l'été prochain, elle ne sera pas ouverte. Ils la ferment parce qu'il y a des gypaètes qui vont faire leur nid à cet endroit-là. C'est ridicule en plus parce que ça ne gêne pas. Le gypaète, moi je le vois, quand je fais la Via Ferrata, il vole à 10 mètres de nous, il traverse, il va à son nid, et puis voilà. On dit que c'est une bonne chose, que c'est bien, on protège la nature, mais ça on est d'accord, nous devons protéger la nature. Hein. Mais il faut protéger les hommes aussi. Hein. Les parcs nationaux doivent répondre à des caractéristiques précises qui en font des sanctuaires. Je pense que les parcs naturels régionaux ont acquis une expérience qui montre qu'on ne peut pas protéger la nature sans s'occuper de ceux qui en vivent, de ceux qui y habitent. André Micou, il reste quand même sociologue. Dirais, une conception de la protection de la nature très militante. Alors qu'on s'entende bien, je pense que s'il n'y avait pas eu de militants aguerris et forcenés de la protection de la nature, peut-être qu'on n'entendrait pas parler. Aujourd'hui, cette conception assez étroite me semble plutôt contre-productive. Il y a un effort à faire pour que cette protection de la nature ne soit pas seulement l'affaire des seuls militants, scientifiques, etc., mais qu'elle compose davantage avec la société civile, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça mon sentiment. Et voilà pourquoi les parcs nationaux, je pense, payent d'une certaine manière cette manière de protéger la nature un peu puriste. S'agissant d'endroits où il y a des gens qui vivent, enfin, bon, c'est ça, et que très vite, ils vont se voir opposer à « vous préférez les animaux aux hommes ». Une zone centrale, c'est pas une mise sous cloche, c'est-à-dire que les activités humaines peuvent s'y déployer. Il y a des randonneurs, il y a des touristes, donc la présence humaine n'est pas interdite. Une zone centrale comme le parc de la Lanois, c'est en moyenne 600-700 000 visiteurs par été. Il y a des refuges. Et lorsque ces refuges doivent être rénovés, équipés, ben ça implique des travaux. Donc on autorise des travaux. Alors c'est extrêmement suivi et réglementé. Il y a de l'élevage, du pastoralisme, avec des éleveurs qui circulent, avec des engins motorisés qui leur permettent de collecter leur lait. Donc ça, c'est autorisé. On ouvre des pistes pastorales de manière parcimonieuse. Donc c'est pas une mise sous cloche, mais en même temps, tout ça est extrêmement suivi et extrêmement réglementé. Donc de ce point de vue-là, ça a un sens par rapport à la sauvegarde d'un certain nombre d'espèces et par rapport à la sauvegarde d'un certain nombre de paysages. Sans être grand clair, il est fort probable que s'il n'y avait pas eu la zone centrale du parc national de la Lanoise, un certain nombre de projets de stations autres et un certain nombre d'extensions de stations existantes auraient sans doute empiété dans le territoire qui est actuellement celui de la zone centrale. L'affaire de la Vanoise est terminée, l'intégrité du parc sera maintenue. La Sarcelle des Neiges ou la superstation de ski prévue par les promoteurs ne verra donc pas le jour. C'est en 1969 qu'éclate l'affaire de la Vanoise. En réaction à un projet d'aménagement de remontée mécanique qui empiéterait sur la zone centrale du parc. 3 années de lutte. Dans les milieux de protection de la nature, puis médiatique et politique, la mobilisation ne se fait pas attendre. Les buildings ne pousseront pas comme des champignons et les chamois continueront de goûter à la liberté. 2006, 35 ans après l'affaire de la Vanoise et la victoire du parc contre les aménageurs qui renforça l'autorité de l'institution Parc National, la loi Girand voit le jour. Elle réforme la loi de 1960, celle qui permit de créer les parcs nationaux français. Principal changement de cette loi, l'intégration des élus locaux dans la gouvernance des parcs. Elle se concrétise sous la forme de la fameuse charte, celle qui a permis d'ouvrir le couvercle de la cocotte minute où bouillaient les ressentiments et conflits en Vanoise. C'est en septembre 2015 que la charte est votée et sur les 29 communes concernées, seules 2 décident d'y adhérer, soit 7%. À côté, les autres parcs nationaux de montagne, les Écrins, le Mercantour, les Pyrénées et les Cévennes, affichent des taux d'adhésion autour de 75%. En Vanoise, du jour au lendemain, le territoire du parc se trouve considérablement réduit et l'échec est difficile à avaler pour l'institution nationale. Ça n'a pas été une surprise, hein. C'était largement envisageable. Parce que la charte a été soumise à enquête publique, donc au moment d'une enquête publique, les conseils municipaux sont appelés à émettre un avis. Et donc déjà lors de cette enquête publique, en 2013-2014, il y avait seulement 3 communes qui ont émis un avis réservé. Il n'y a eu aucun avis favorable et toutes les autres communes ont émis des avis défavorables. Alors, il y a pour l'essentiel le fait que la plupart des communes de Vanoise n'ont pas besoin ni des moyens ni de la notoriété d'un parc national. Quand vous appelez Val d'Isère ou Courchevel, vous n'avez pas forcément besoin de revendiquer l'appartenance à un parc national. Quand vous avez dans certaines grosses stations prestigieuses fait votre saison d'hiver pleine de mi-décembre à fin avril, vous avez suffisamment fait tourner la boutique pour ne pas avoir besoin de réouvrir durant la période estivale. Donc le poids des stations de sport d'hiver, il a été absolument capital, et il a été d'autant plus capital que le contenu de la charte a largement été instrumentalisé. Le discours consistant à dire « la charte va nous interdire », la charte n'interdit pas. C'est la réglementation du cœur qui interdit, mais la charte, elle n'interdit pas. Je vais vous dire très franchement ce que je disais aux maires quand je les rencontrais et aux conseils municipaux pendant 12 mois. Je leur ai dit, écoutez, la charte, c'est le rappel des réglementations, etc., sans aucun ajout, contraignant de plus. Et deux, on vous tend la main. On vous tend la main pour des projets que vous souhaiteriez faire avec nous. Si vous n'avez pas de projet, c'est pas grave, vous la signez, mais on ne vous obligera pas à en faire. Donc c'était un boulevard vide. Et il s'avère que ça, Personne ne l'a compris. Il est facile pour des maires, notamment des maires de station, de dire, le parc, nous, on aime bien la marque. C'est bien d'avoir une station Parc de la Vanoise, mais ne nous emmerdez pas avec le reste. Vous nous laissez faire nos choses. Donc c'est vrai que quand moi je me suis pointé, tout est ressorti. Et que on s'est payé une litanie de ressentiments et qui rendait cette offre de service totalement, je dirais pas d'essence libérale d'ailleurs, d'essence libérale, parce que mais on allait dans enfin un parc national, allait dire aux élus, on va faire de l'économie. Et comme une bonne partie des élus de montagne sont des libéraux, au sens politico-économique du terme, c'était dans leur sens. C'était l'État se décontracte enfin et va nous accompagner dans du développement. Donc c'est d'essence libérale. Eh bien, on s'est pris un taquet, complètement. Je pense que le débat a perdu justement de sa capacité à être constructif par le fait que on soit resté sur des prises de position qui étaient extrêmement binaires en disant je suis pour, je suis contre la charte, ou je veux pas de charte. Et la difficulté principale à laquelle on s'est heurté lors de l'élaboration de la charte, c'est qu'il y a une forme de réticence de manière générale dans la plupart des vallées alpines pour tout ce qui émane de l'État et de manière générale pour tout ce qui est exogène, ce qui viendrait de l'extérieur. Selon un bon vieil adage qu'on connaît bien, qui consiste à dire que la légitimité viendrait du fait que les habitants, les locaux, les personnes qui sont sur place doivent leur légitimité à leur antériorité, au fait qu'elles vivent à l'année ici et qu'effectivement elles n'ont pas à recevoir de conseils, d'indications, d'orientation de la part d'entités qui seraient externes. Certes, quand on a des taux d'adhésion, c'est ça qui frappe et c'est ça qu'on retient. Mais au-delà de ces taux d'adhésion, la question fondamentale, à mon avis, qui se pose, c'est faire une adhésion pourquoi ? Si c'est juste adhérer pour adhérer, à mon avis, ça n'a pas véritablement de sens. Le parc accepte que cette haute vallée, comme la haute vallée de la Tarentaise, ont besoin de vivre. Ils ont besoin d'une économie et que l'économie est essentielle, c'est le tourisme. Et ils participent d'ailleurs. Le parc est une image de marque fantastique. Il est connu dans le monde entier maintenant, je pense, le parc national de la Vanoise. Et c'est très fort, ça. Yves Berneron. Mais il faut que quand les gens arrivent ici, ils rencontrent le parc. Maire de Lens-le-Villard de 1989 à 1995. Et compteur. Cette idée de parc est quand même étrange, parce que souvent les touristes, un peu moins maintenant, mais venaient nous demander la clé pour rentrer dans le parc. Donc c'est une barrière. Donc c'est bien que le parc n'avait pas fait passer la bonne idée, puisqu'il y avait une barrière. Il n'y a pas de barrière. Les montagnards n'ont jamais mis une barrière, nulle part. Ils en mettaient un petit peu le long des chemins pour que les troupeaux n'aillent pas manger à droite et à gauche, c'est tout, quoi. C'est bien que l'image parc, elle n'était pas bonne. Alors il faut travailler là-dessus. Moi je crois qu'il faut travailler sur un rapprochement des hommes d'ici avec ceux qui sont aux commandes du parc maintenant. C'est indispensable. Il faut absolument que le parc soit voulu par les gens d'ici. Sinon ce sera une erreur. Il n'ira pas loin. Et puis il faut que l'État prenne conscience de ça aussi. Donc il faut qu'il mette de l'argent pour pouvoir faire ce parc. Et je crois que le budget du parc est de plus en plus exsangue et ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. On n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des milliers de kilomètres où il n'y a personne. Si c'est tout petit, on vit dans cette montagne. On a toujours vécu. La montagne, c'était un partenaire, et un partenaire aimé, parce que c'est elle qui nous faisait vivre. Sans la transhumance des troupeaux vers l'altitude, on n'aurait jamais pu vivre dans ces vallées, parce que c'est trop petit. Le fond de la vallée, c'est fait pour faire du foin. Les céréales qui étaient les nôtres, et passent, on ne pouvait pas y laisser des troupeaux. Il fallait les monter en alpage. Donc la montagne était choyée. C'était un véritable partenaire. Il y avait une discussion tout le temps avec elle. Un échange extraordinaire. Et ça, il faut le retrouver. Aujourd'hui, on lui demande. On ne lui apporte plus quelque chose. Dans le temps, ils apportaient en échange. ils replantaient derrière les avalanches, et on reconstituait les torrents immédiatement derrière les crues. C'était très très important, l'apport des hommes. Tous ces petits sentiers dans la montagne pour permettre aux bêtes de monter étaient entretenus sagement, on captait les sources. Dès qu'il y avait un peu d'eau, on la captait parce que c'est précieux. Aujourd'hui, on n'a plus d'eau. On n'a plus assez d'eau, mais bientôt pour nos touristes. Parce qu'on a oublié toutes ces petites sources qui étaient jalousement entretenues, amoureusement entretenues par le passé, tout ça. C'est ça qu'il faut retrouver. On s'en sortira que comme ça. On devrait redevenir ces montagnards du passé. Avec une économie qui est la nôtre, mais dans l'esprit, dans la manière d'être, dans la manière de se comporter par rapport à la montagne, il faut retrouver plein de choses. Même pour ceux qui exploitent des remontées mécaniques. Quand on passe le col du Palais, par exemple, selon qu'on est sur un versant ou sur l'autre, donc le versant où il y a les stations de Tignes, où on passe le col du Palais et on est dans le cœur du parc, bon, c'est pas le même paysage, quoi. Chacun ses goûts, mais ça a permis la préservation de paysages ben, où il n'y a pas de pylônes, où il n'y a pas de remontées mécaniques. Pour un grand nombre de gens, c'est important de pouvoir aller dans ces paysages qui sont préservés. Et c'est aussi important pour des gens qui ne peuvent peut-être pas y aller, mais qui savent qu'ils existent. Un parc national, il est au même niveau qu'un alpiniste qui grimpe dans l'anonymat total, un pianiste virtuose qui récite ses gammes, un marin qui fait la traversée de l'Atlantique, un moine qui est dans son monastère. C'est un espace préservé, où on peut laisser libre cours à la marche, à ses réflexions, à rien du tout. Un endroit dont on pourrait penser qu'il ne sert à rien. C'est des paysages, mais c'est aussi des ambiances. Parce qu'en même temps qu'il n'y a pas de pylône, qu'il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a pas beaucoup de bruit non plus, si ce n'est le bruit des gens qui passent, le bruit des troupeaux. Donc ça a permis de préserver des lieux de vie pour un très grand nombre d'espèces, dont la nôtre. Ça a permis aussi de préserver une idée qu'on est capable de garder dans notre monde des endroits où on ne pense pas d'abord en termes de à quoi ça sert, combien ça rapporte et est-ce qu'on va en tirer un bénéfice possible. Donc ça a permis aussi de donner une réalité à ces idées-là, de ne pas tout toujours ramener à nous et à ce que ça nous rapporte. Je concède le fait que ça puisse être intéressant d'avoir des laboratoires pour mieux comprendre les mécanismes strictement écologiques, qui est très caractéristique d'ailleurs, parce que l'écologie, donc, qui est la science du rapport des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, c'est ça la définition, s'est tout de suite constituée comme le rapport des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, c'est que les vivants non humains. Pour l'écologie, ça allait de soi que c'était que les vivants non humains. Donc, la discipline écologique a privilégié les îles, les isolats, les zones de montagne, les endroits où il n'y avait pas de présence humaine. Et c'est quand l'écologie n'a plus seulement désigné le nom d'une science, mais un mouvement social, c'est quand les hippies, par exemple, ont commencé à dire « Non, la science écologique, c'est la science des rapports des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, humains compris. Or, nous, humains, qui sommes des vivants, nous agissons sur le milieu de façon incroyable. Or, les protecteurs de la nature, eux, sont les héritiers des écologues scientifiques. Et là aussi, cette écologie scientifique a aussi privilégié les espèces endémiques, les espèces rares, enfin, les espèces remarquables, ce qui a entraîné chez les protecteurs de la nature aussi un oubli de la nature ordinaire. Et alors, les choses changent petit à petit. Je le vois, moi, dans les conservatoires d'espaces naturels. Mais pareil, les conservatoires d'espaces naturels, c'est des petits endroits bien jolis qu'on va gérer bien comme il faut. Bon, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire à côté. Enfin, qu'est-ce que les paysans vont continuer à faire. C'est ça, important. Là, du coup, je vais peut-être sortir la carte. Je vais sortir. C'est pas tant la nature qu'on protège que le rapport traditionnel qu'on a avec elle. Donc nous, on est ici, sur ce petit point là, qui se distingue pas très bien. Donc en face de nous, la vallée de Chavières, là, avec les sommets du fond de la vallée qui apparaissent sous la neige, donc le massif de Pecquelet-Polset. Sur la gauche, donc les dômes de la Vanoise, avec toutes les dalles et les parois calcaires qui sont ici sur notre gauche. De ce côté-là, le secteur du Petit Mont Blanc, qui est le sommet qu'on voit là, avec légèrement coiffé de neige. Et derrière, c'est la station de Courchevel. Et derrière nous, Champagny-en-Vanoise. Autour de nous, les montagnes sont escarpées, rocheuses, enneigées sur les sommets et dans les endroits encaissés. Mais on distingue quelques replats encore au soleil, avec de la végétation basse, où l'on imagine des animaux broutés, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Lionel Laslaz nous explique que la montagne que nous avons sous les yeux, c'est un paysage façonné par des générations d'élevage et d'activités humaines. Une nature à première vue indomptable, mais qui finalement n'est pas aussi sauvage qu'on voudrait le croire. Qu'est-ce que c'est finalement que cette nature qu'on préserve au sein des parcs nationaux ? Est-ce que c'est une nature intangible, intouchable, sur laquelle on ne va apporter aucune forme de modification, y compris la restauration de bâtiments, y compris l'ouverture de pistes pastorales ? Alors même si c'est autorisé dans la réglementation, il y a encore un certain nombre de défenseurs des parcs nationaux qui argumentent que l'on ne doit pas autoriser dans un cœur de parc national l'ouverture d'une piste pastorale, parce qu'un parc national, la finalité première, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu, la finalité première c'est la sauvegarde de la nature et c'est pas de maintenir l'activité agricole. Mais en même temps, ce qui est répondu, c'est de dire mais s'il y a une activité agricole, ça permet de maintenir les paysages ouverts, ça permet d'avoir des alpages qui sont entretenus. Et ces alpages entretenus, ils sont également riches d'une certaine biodiversité qui disparaîtra si la forêt recolonise. C'est pas le même type de biodiversité à l'intérieur d'un espace forestier qu'à l'intérieur d'un espace ouvert. Et typiquement là sur Pralognan, hein, sur les, on le voit bien maintenant le versant du Petit Mont Blanc que vous avez derrière vous. Sur ce versant, eh bien c'est une des dernières stations en Vanoise d'une plante très emblématique qu'on appelle le chardon bleu. Donc ce chardon bleu, il a énormément disparu. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui ne supporte que des environnements très ouverts. Si l'environnement se ferme, si vous avez de l'ombre qui vient avec des arbustes puis des arbres, eh bien le chardon bleu disparaît. Et donc il fallait maintenir des paysages ouverts pour pouvoir faire en sorte que ce chardon bleu survive. Et sur ces pentes du Petit Mont Blanc, vous voyez la raideur, vous voyez la... tout ça a été pâturé et fauché jusque dans les années 30, puis jusque dans les années 50, et depuis les années 50, ça s'est arrêté progressivement. Et donc vous avez la végétation qui remonte, qui recouvre tout ça, et il a fallu payer d'abord un agriculteur, puis ensuite maintenant c'est des agents de l'ONF qui maintiennent les quelques clairières dans lesquelles il y a encore des chardons bleus ouvertes pour que le chardon bleu ne disparaisse pas. On a envie de croire que la montagne et ses parcs nationaux sont des cartes postales, avec une marmotte et un bouquetin fièrement dressé sur son rocher. Certains y voudraient un loup aussi, dont on croiserait le regard sauvage. Mais le parc national est plus complexe que ça. Heureusement d'ailleurs, je crois. Il y a aussi des moutons, des vaches et quelques chèvres. Et des gens qui y vivent, qui y meurent, qui s'en vont et qui reviennent, ou qui veulent y rester pour toujours. C'est cette montagne-là que le parc a embarqué quand il a posé ses frontières, ses réglementations, ses agents, ses sentiers et ses refuges. Un territoire devenu parc, un parc qui reste un territoire, et une montagne de contradictions. Est-ce vraiment l'automne qui prend fin aujourd'hui ? Je voudrais que soudain cette mer s'épanche. Vanoise, quand un territoire devient parc, avec Simon Tépaz, Guy Chaumreuil, Lionel Laslaz, Isabelle Arpin, Guy Bonnevie, André Micou et Yves Berneron. Merci à Philippe Francoise, Didier Manoury et France Bleu Isère. Prise de son, Hélène Langlois et Mathieu Tourin. Mixage, Bernard Laniel. Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Annabelle Brouard. Ton visage ne reste qu'une ombre. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en randonnée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, l'or blanc. Et pour plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, le nouveau rendez-vous de la création radiophonique sur les ondes et en podcast, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.